remercierai tout simplement tous mes potes et tous les gars qui m'aident encore pour atteindre le top, mec. Les vrais amis, car ils sont là depuis des années, des cadets, des aînés, tous ceux qui m'ont raisonné. Ouais, désolé, je suis pas très loin dans la vie, mais sans eux, tu saisis, j'en serais pas là aujourd'hui. J'en parle et mon parcours est en parallèle. Mes grands-mères, c'est la crème dans un caramel. Via celle qui fait passer contractuel, usuel, ponctuel, mais rien n'est contractuel. Donc je suis pas là à me dire que je mise tout dessus. Avant je l'ai fait, tu sais, on m'a beaucoup déçu. Mais celle-ci, elle a l'air saine dans sa portée. Puis elle me supporte en public et en aparté. Pour la liberté, y'a aussi mon taf, toutes les meufs et tous les gars qui m'auront suivi dans le staff. Et pour mon caractère, il se perd dans les cratères, il repart dans les critères. Pour que pure soit l'écriture, je remercie les fidèles présents depuis le départ, sans nous traiter d'épave dans le rap qu'on déclare. Je te respecte, si le CD tu l'achètes, et si t'as copié la pochette, fais tourner tout autour de ta cachette. Et pour les potes, j'aurais bien donné des noms, mais j'ai peur d'en oublier, le morceau sera trop long. Tout d'abord, j'ai fait louange à la vie de m'avoir laissé un thème, parce que je sais que je vais pas le rester très long. Quand t'as la chance que le bonheur t'imprègne, attends-toi de voir le pays au prix fort tout ce bon temps. En effet, j'ai connu moins de tristesse. L'amour avec Nab, ça fait des points de vitesse. Là, ma vie me plaît, le mal a mis une trêve. Et bientôt, il me chargera, j'entends déjà les bruits de l'air. Alors, je profite de tous ces instants tant que possible. Tant que je possède mes cinq sens maudits, soit les futurs tourments, c'est plausible de faire face aux plus dures souffrances. Merci à ceux et celles qui m'ont compris, qui ont décortiqué mes textes et s'en servent pour rebondir. À mon groupe, malgré les prises de bec, à la paix avec tous ces caprices de mec. Merde, à Carré pour sa putain de fidélité, à Masta pour ses éclats de rire et ses débilités. Non, je rigole, man, je connais la peine qu'il y a derrière. Et je sais que vous serez tous là face à mes affaires. Cet album, c'est pour ceux dont les discussions font parfois prendre de grosses claques. Pour mes frères d'Opac, pour ces êtres que j'ai pu aimer, pour cette femme que mon cœur n'expulsera jamais. Pour nos défunts où ça me présente, Gwendoline Phil, vos plaisanteries nous manquent. Pour toutes ces familles qui nous entourent en tant de disettes, pas de blême, on sert à l'écoute. Pour le tout-puissant, grâce à lui, je connais la musique. Moi, mes tourments dans l'écriture, parfois dans les délires éthyliques. Pour ces langues de pute qui sur nous jacques, prenant pour des bad boys, talous comme Gonzague. Pour notre équipe, admirable, considérable, des opulents du monde, leur taf est colossal. Sale après sale pour toutes ces personnes, touchées par nos paroles, fin délicat, en ce qui me concerne. Après s'être investi à fond, notre projet touche à sa fin. Ce dernier son, c'est juste pour étaler le bonheur qui nous étreint. Parce que y'a eu des hauts, y'a eu des bas, des rires et des tracas. Mais heureusement, notre passion nous sort toujours des embarras. Merci à vous de nous donner force et courage. Parfois en pleine période de doute, on pense à vous, ça nous soulage. Ça nous permet de nous surpasser, d'avoir la niaque, de poser tous nos morceaux en se défonçant comme des maniaques. Ça fait vraiment trop plaisir de voir le bout du chemin. Merci à la patience d'avoir pris le temps de nous tenir les mains. Parce que construire un bon produit, c'est pas facile. Surtout quand notre tâche est de transcrire au mieux ce qui nous bassine. En ce qui me concerne, je remercie fort tous ceux qui m'aiment, ma famille, mes amis en qui je serai toujours fidèle. Merci enfin à la musique d'exister, elle me permet de combattre le mal et d'y résister.